Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. De Gérard, est-ce que tu m'entends? Allô, tête de newf, c'est moi. On ira où tu voudras, quand tu voudras. On s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs. Je vais t'aimer. Moins vite, plus vite, plus fort. Moins vite, plus vite, moins fort. Plus fort, moins fort, plus fort, moins vite, plus vite. Moins vite, plus fort, plus vite. Plus fort, moins vite.